Ils ont changé les gens, ils ont changé les jeunes. Ça fait les dirigeants, ça se trouve le corps pour le jeune. On fait les sous-sous, et même sans ça, dans la tête on était censé. J'en me sens sans, j'aime pas les gens qui se collent comme des sens. Je me suis fait avoir par des fils de traite, depuis je suis sans. Ouais le sens en fait péter les gens siffles. Dans les quartiers, tu le sais que les gens souffrent. C'est pas trop l'argent ces temps-ci. Ennemi, ami, police, y'a des tensions. J'fais ma frappe, j'suis pensif. Le truc dans ma tête, c'est plus où j'en suis. C'est un fils de pute de l'humour que j'en sais. Mais j'me porte comme moi j'en sais. Ça se voit pas mélanger les nerfs. Qu'est-ce que j'm'en parle d'être millionnaire. J'ai trop coûté la galère. J'veux juste ma vie sur la terre. Les gens disent où je vis, je fais même pas la boulangerie. On me dit des fois sur les jaloux, tu as trop les yeux rivés, yeux rivés. On s'en fait gaffe que le loup soit pas déjà dans la bergerie. Les vrais tu les vois avec le temps, et même avec le temps, les vrais peuvent devenir des faux. J'y pense de temps en temps, mais pas. Des fois je me pose trop de questions. En chien je mettais le scorpion ou le brut, maintenant je mets le parfum à Christian. Pas je parle à ma carrure, gros, tu me reconnais. Dans la hoodie, vroom vroom, j'suis jamais le gros bonnet. Mon ceinture, on se connaît même pas, j't'ai donné la force, mais là j'fais des abonnés. Tu perds des gens quand tu t'agrandis.